Donc, Ça peut être Lost. alors Lost ne prévaut pas encore à cette époque. Ah oui, c'est possible. Ça viendra plus tard. Donc là, vous êtes sur les terres des ducs de Francie, disais-je, et plus particulièrement du duc de Sinlétis, qui est le deuxième duc de Francie élu par ses pairs à ce titre, et qui dirige depuis Sinlétis sa ville, son bourg, où il y a établi son manoir fortifié, où les gens peuvent se réfugier dans les temps sombres, dans les temps de guerre, ou les temps où les Normannies cherchent à s'emparer des terres ancestrales. Vous êtes des gens de peu, des gens qui vivent au plus près de la terre. Vous avez l'occasion d'entendre les messes, d'entendre parler des anges qui protègent les mortels des assauts de choses beaucoup plus sombres que tous redoutent en ces temps troublés. La mort sévit régulièrement. Elle a emporté nombre de sujets des ducs de Francie. Il y a fort longtemps, seuls les plus anciens en rebattent les oreilles à qui veut les entendre lors des veillées hivernales. Il y a eu un temps où les Normannies ont menacé Sinlétis elle-même. Mais c'était avant même que le père de Robert ne vienne à prendre le titre de duc des hommes libres. Il a été investi à Noyau. Il a été reconnu par ses pairs et a guerroyé pour maintenir son titre. Son fils l'a bientôt secondé, celui-là même qui est votre suzerain maintenant, Robert. Vous avez donc connu deux règnes successifs parmi les ducs, celui de Hugues et celui de Robert, son fils. Après les dégradations des Normannies qui remontent à des temps qui ne sont pas de votre mémoire mais de celle des anciens, et là nous entrons dans le temps de votre de vos vécus, de vos histoires. Votre communauté a dû subir, alors que vous étiez tout jeunes les uns et les autres, la menace de suzerains envieux qui voulaient s'emparer des terres de Hugues et qui ont mis le siège aux terres de Francie. La ville de Sinlétis a résisté vaillamment, repoussé les envahisseurs et obtenu leur reddition. Et ceux qui l'ont soutenu sont maintenant, et notamment le félon qui avait contester le titre du père de Robert, croupi dans la geôle du donjon de Sinlétis. Vous êtes des gens de peu, des laboratores. Vous travaillez la terre aux abords de la Nonette, elle est riche, grasse. Et on récolte tout ce qui fait l'ordinaire, votre ordinaire, à la table, même s'il est chiche et que il vous faut gagner votre pitance en abattant le travail qui vous convient. vous êtes adapté. Et c'est ainsi qu'on vous a confié non le défrichage du nouvel essart sur les hauteurs de Vaux, mais les brûlis qui permettront de livrer pour la prochaine les prochaines semailles les fruits d'une récolte dont le peuple a bien besoin. Et des terres ont été promises à la distribution en ce sens. Vous allez vous présenter aux autres parce que je vous ai imposé de prendre certains prénoms et vous allez au travers de vos inclinations résumer ce que sont vos personnages respectifs pour que chacun puisse mesurer en quoi votre petite communauté de charbonniers consiste. Je gratte l'allumette, vous disposez du temps nécessaire à l'allumette pour se consumer, pour présenter votre personnage. Qui commence ? Xavier, nous t'écoutons. Tu la grattes et ça te permet de te concentrer sur ta présentation. Donc là, juste tu commences, papa la grattera quand tu auras commencé. Non. L'inverse ? Ouais. Ok, content. Je m'appelle Élie Nant, je suis un enfant de 10 ans, je suis un garçon. Alors vous pouvez vous pouvez être plus disert que lui et chercher à... L'âge, j'ai un doute. Pour moi, malgré la faible espérance de vie, on a notre âge. Vous pouvez avoir votre âge, oui. La mauvaise espérance de vie, certes, mais alors, c'est surtout moyenne, en fait... C'est une moyenne. Oui, je sais, c'est une moyenne. Mais... Elle est issue du fait de la forte mentalité en bas âge. Voilà, c'est-à-dire qu'un enfant... Il n'y a qu'un enfant sur quatre, je crois, qui survivait. Peut-être, voilà. Mais... Il y a beaucoup d'enfants qui meurent avec la mère, soit en couche, soit dans les premières années. Dans les premières semaines. Qui est le suivant à se présenter ? Moi c'est Gaëtan et je t'avais pas quoi dire avec le peu de temps qui me restait. je suis dans la même caste que vous de toute façon je sais pas quoi dire de plus. Donc l'idée c'est peut-être de présenter un peu votre caractère. Ah bah ouais non mais même quand t'as rallumé la lumette j'aurais pas eu le temps. Essaye de le faire succinctement. Essaye de le faire succinctement. L'allumette, c'est une forme de contrainte créative. C'est essayer de se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, exactement. Tu sais pertinemment que moi, j'ai plus tendance à synthétiser que développer. Je réfléchis à comment présenter ça et si quelqu'un veut se présenter en attendant. Est-ce que toi, tu veux revenir sur la présentation d'Élie Nant ? Oui. Alors, vas-y. Brièvement. J'ai dit que c'était la brièveté qui est... Je suis gourmand, je me mets rapidement en colère. Tu es donc colérique, d'accord. Je manie bien l'arc. Aller chasser n'est guère autorisé, ça veut dire que tu passes du droit et... Je suis courageux. Et que donc... T'es déjà hors la loi. Que il t'arrive d'aller... Braconner sur les terres des ducs de Francie. Je braconne pas, je fais du tir à l'arc, je tue pas d'animaux. T'as le loisir de tirer à l'arc, toi. ce n'est guère envisageable. C'est, tu l'auras fait parce que tu avais un but précis et que ça permettait d'améliorer ouais, l'ordinaire. Et peut-être que justement, tes compagnons ont profité de la provende de lièvres que tu as pu abattre. J'ai pas vu. Ou de d'oiseaux que tu as pu abattre de tes traits. Je suis courageux, je suis 5. Je suis. Et je dis pas toujours la vérité. T'arrives de mentir. Je me mets à l'écart des autres très régulièrement. Notamment le temps qu'il te faut pour aller chasser loin du regard. Des ennemis. Ah oui, désolé. On ne voit pas souvent Gaëtan, il est souvent effacé, mais quand on le voit, on l'entend un peu. Dans le sens, il est colérique aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. On m'a dit de faire court. Alexane. Je m'appelle Marie, j'ai 11 ans, je suis une fille. Je suis courageuse, j'ai de la tempérance. Je suis simple. Je suis des fois colérique. Je mens souvent. Et... On m'a donné le nom de Camille. Et à ce jour, j'ai 16 printemps. Je suis un jeune homme, un laboratoriste dans l'âme. Un de ces membres charbonniers qui... Et au sein de ces charbonniers, je travaille tout particulièrement le fer et le bronze pour mouler des outils bien utiles à la communauté. On me dit souvent patient et tempéré, mais quelque peu lâche, effacé ou retenu. Enfin, c'est ce qu'on dit. Donc le travail que tu évoques, le labeur qui sera le tien, c'est que tu cherches à dépasser ta condition de charbonnier et que tu te rapproches du charron. Non, je ne cherche à m'échapper de la condition de charbonnier, même si de fait j'ai une position qui est plus avantageuse, c'est que je... Au sein même des charbonniers, nous nécessitons des outils des engrenages, de quoi... Enfin, pas des engrenages, mais du moins des outils qui soient dédiés au champ ou à la tenue du bûcher et tout ce qui va avec. Et donc, il nous faut bien nous-mêmes produire nos outils, étant donné notre pauvreté, et cette tâche m'a été donnée. J'avais moi-même un père qui l'était, et disons que je... Charbonnier ou charbon ? Il était charbonnier, mais il exerçait lui aussi cette tâche. D'accord. Et je ne cherche... Du moins, Camille le cherche. Pas à s'extrader de sa classe, pas à s'extrader de sa condition. C'est de là qu'on dit qu'il est relativement effacé, ce serait complètement incohérent et impertinent de sa part de vouloir gagner les classes supérieures. Les coupes se sont fait juste avant les dernières moissons, lorsque tous les bras étaient disponibles alentour de Sinlétis, tous les hommes libres se sont joints au bûcheron pour dégager ce nouvel essaim et conquérir de nouvelles terres sur la vieille forêt. Une forêt entourée de présages, de signes fastes et néfastes qui préoccupent toute la communauté, tous les habitants des bourgs alentours. On murmure dans le sillage des uns et des autres leurs frasques, les pactes qu'ils ont tissés avec les esprits qui se tapissent dans l'ombre du bois, qui se glissent dans les vents sombres qui glissent sur les terres des ducs de Francy. Les terres sont en culture, sont protégées par les braves militesses. Mais leur présence ne suffit pas à dissiper tous les signes néfastes. La mort qui rôde, qui serpente dans la vallée de la Nonette et qui emporte son lot bien trop souvent. C'est un temps triste. La forêt semble dominer le paysage, même si en contrebas, sur les champs récemment parcourus, au-delà du temps des semailles, dégagés, laisse paraître le profil rassurant de la tour de Robert, votre duc. Même si à tout moment on peut apercevoir les faubourgs de Sinlétis qui s'étagent autour du rempart dressé dans les temps anciens, ceux de l'Empire, qui a emporté le Seigneur Dieu. Celui qui s'est compromis, mais qui a aussi érigé la grandeur et dont nous viennent certains des papes. Dans la forêt sombre, qui est votre logis depuis que le temps des moissons s'est achevé et que bientôt sera le temps de la mort des champs, le temps revenu de la froidure, même si, pour contrebalancer toutes les affres des guerres qui inondent le pays depuis quelques décennies, des guerres qui ensanglantent les marches des hommes libres, les marches de Francy, vous passez le plus clair de votre temps au cœur de la grande forêt, Vous avez séjourné une partie de l'été le long de la petite rivière qui pourvoyait à vos besoins en eau. Vous mangiez les baies que vous pouviez cueillir dans le bois aux abords de ce mont qui domine l'ensemble des terres de chasse du duc, là où les racines poussent sur les corps pourris des ancêtres. Ces ramifications généalogiques des feuilles, des parchemins épars, oubliés des lettrés, des oratores qui restent cloîtrés à Cinétis. Vous lisez, vous, à livre ouvert, dans les racines qui poussent au cœur de la forêt d'Alat. C'est le temps roux, le temps qui serpente jusqu'à l'hiver. Une partie des feuillages jonche le sol et constitue une litière sèche et agréable la nuit venue, exempte des puces, des poux que l'on trouve à Cinétis dans ses faubourgs. Vous êtes épargné par la vermine, vous n'avez que la douceur de l'humus pour accompagner vos songes. Vous avez travaillé durement toute la journée. Isolé des autres, vous laisse vaquer à votre labeur. On attend de vous simplement que, après votre séjour, l'amas de branches des branchages, les troncs qui n'ont pas été ébardés, soient tout réduits en un monceau de cendres qu'on pourra répandre sur le champ ainsi dégagé. Il a fait chaud, il a fait bon. C'était le temps de l'été. Il s'achève maintenant. Et vous êtes tous les quatre seuls au cœur du bois. Vous êtes seul et vous êtes accoutumé au bruit du bois, au bruit de la forêt qui est devenue votre maison, celle qui vous accueille et vous rassure, mais vous inquiète parfois, car il est des présences qui voisinent celles décrites depuis la chair par les oratores, les rares fois où vous allez jusqu'à l'église. Vous êtes aussi investi, selon les anciens, votre petite communauté de charbonniers, d'un savoir que l'on quête, que l'on cherche. Votre proximité avec les esprits anciens qui séjournent dans les bois font dire aux gens du bourg que vous avez un talent pour lire dans les lignes du temps. On vient parfois vous consulter, parfois même les oratores vous rendent visite et tout à trac vous posent des questions et font de vous de jeunes augures. de jeunes personnes qui innocemment président la destinée de la plus large communauté de Signetis par leurs oraisons obscures à eux-mêmes. Il vous arrive parfois de lire des choses étranges dans le passage des animaux, la disposition des os des petits oiseaux abandonnés dans le fossé, dans la disposition des crottes de marcassins ou de lait qui courent les bois giboyeux du duc. Vous avez donc travaillé toute la journée et votre labeur est maintenant achevé. Il vous faut rentrer, retourner au-delà de la première partie de l'Essar, contourner un pan de bois qui a été voulu et qui doit être maintenu et rejoindre la communauté plus grande des bûcherons et les informer que vous avez mené à bien votre tâche. Vous marchez ainsi à presque nuit pour rejoindre le temps, rejoindre les bûcherons. Le temps est celui incertain du temps roux, un temps d'orage qui gronde. Il a grondé toute la journée sans éclater. La chaleur et la moiteur a fait souffrir vos corps au labeur, aux abords des bûchers qui grondent, qui ont grondé toute la journée, qui sont maintenant plus que cendres. Vous avez vraiment sué. Vous êtes assoiffé et c'est avec plaisir qu'en cette presque nuit, vous avez découvert au détour de l'une des centes un rue et vous avez pu vous y abreuver. Abreuver comme les bêtes et prêt à manger aussi comme les bêtes. Car les gens de Signetis disent « On ne mange pas, nous. On dîne. Mais là, vous mangeriez comme la lait, la truie des bois, volontiers car votre ventre crie famine, vous avez épuisé toutes les réserves que vous aviez ménagées, vous avez cueilli toutes les baies que vous pouviez trouver, et si tu avais encore l'énergie, à n'en pas douter, Elinan, tu irais bien lâcher quelques traits contre ne serait-ce qu'une petite musaraigne à griller au coin du feu ce soir. Tu as le ventre qui gargouille, qui crie famine, qui se tord, qui n'en finit pas de se manifester, et cette chaleur qui vous a asséché. Boire aux rues l'eau sombre gorgée des tanins de la hêtraie est une bénédiction, même si cette eau a un goût un peu rance, un peu amer. Elle dissipe les chaleurs et vous repartez de bon pied, un petit peu rassuré, quoique la nuit s'approche à grands pas. Les temps sont troubles, je l'ai dit, et y compris les saisons semblent comme déplacé. Il a fait plus chaud tout l'été, mais aussi l'hiver dernier a été réduit à portions congrues. Les neiges n'ont pas tenu, les eaux ont ruisselé et emporté une partie des terres précieuses jusque dans les cours d'eau. La chaleur a été harassante au moment des labours et de certains bienfaits, on a rencontré que pour votre part, les contreparties plus sombres, plus désagréables, la vermine omniprésente, les insectes bourdonnants, fort nombreux, bien plus nombreux qu'auparavant, de votre propre mémoire, qui forment des essaims compacts. Les guêpes vous ont semblé plus hardies qu'à l'accoutumée, et elles ont décimé les braves abeilles dont vous avez déniché les maigres rayons de miel pour vous nourrir au cœur de l'été. Ces petites abeilles noires qui sont vos amies au cœur du bois. Celles qui vous donnent le précieux sucre de sève, le miel de hêtre. Vous marchez donc et peu à peu, les abords familiers des centres s'estompent à mesure que l'humidité naissante, l'humidité accumulée dans la fraîcheur du bois se transforme en un brouillard. D'abord des bancs épars, mais qui bientôt dissimulent à vos vues les repères familiers des centes, du lacis de centes qui court votre brave forêt, celle qui est votre logis et qui, désormais, est devenue un labyrinthe. Vous en venez à songer que vous êtes égaré. La forêt est devenue comme étrangère. Les odeurs sont les odeurs familières, mais maintenant, après avoir éprouvé tout le jour durant l'âpreté de la chaleur des bûchers que vous aviez vous-même dressés et entretenus, vous ressentez la froideur qui tend votre peau asséchée par les feux de la journée. Vous avez travaillé hors du bois, car la zone a été dégagée désormais. Il n'y a plus l'ombrage des majestueux arbres là où vous avez œuvré toute la journée. Le soleil a assailli votre peau et vous avez la peau toute rougie, toute endolorie de son contact, et la douleur ressurgit au cœur de nuit alors que vous suivez sans certitude une sente parmi d'autres au cœur de la vaste forêt des Ducs de Francie. Que faites-vous ? Je prends mon arc. Tu le tiens, c'est de l'évidence, mais ton arc ne te donnera pas le chemin à suivre. Mais je le prends quand même. Tu l'as en main, tu le bandes, certes, il est apprêté, et tu te dis peut-être que ce n'était que ce que les anciens de Simnetis supposent à ton égard, une vue empruntée au futur, car vous entendez maintenant une voix égarée dans la profondeur du bois, encore lointaine, mais c'est bien une voix d'homme. Anne, je me dirige vers cette voix. C'est confus. Vous vous dirigez vers la voie. En tout cas, moi j'y vais, je ne sais pas si les autres suivent. Mais... Je te suis avec mon arc, je te protège. Il vous faut quitter la sente sur laquelle... Moi je marche. Il vous faut quitter la sente vers laquelle vous êtes. Vous cheminiez jusqu'à présent pour rejoindre la voie. Elle est dans une combe un peu plus obscure, baignée de brume. Oh la Madeleine ! Madeleine, où es-tu ? Qui est Madeleine ? Vous avez pas vu la Madeleine ? C'est qui ? Un pauvre air, tout maigrichon, a émergé d'un amas de buissons. Elle a l'œil vif, brillant. Non, je la cherche partout. Je la cherchais toujours. Elle s'est égarée, elle s'est risquée dans le bois, elle est emportée mais par si les mauvais esprits. Si elle a l'œil vif, ce serait peut-être plus simple si elle nous retrouvait. Mais c'est qu'elle est encore jeune. Elle connaît pas tous les chemins. Ses cheveux sont de quelle couleur ? M'aiderez-vous à la trouver ? Si les autres sont d'accord. Avec plaisir. Oui. Mais vous êtes fourbus. Vous avez vos coups de soleil qui vous lancent. Et nous sommes rendus presque à la nuit. Et vous n'avez pas rejoint le campement des bûcherons que vous deviez rejoindre avant la nuit. L'homme qui a surgi de la forêt, qui vous a tenu ce discours autour de la Madeleine à l'œil brillant et vêtu d'un vieux bliot tout élimé, couvert de ronces qui se sont accrochées sur son passage. Il porte les sabots du laboratoires, ses bras sont usés, maculés de boue, le visage mangé par une barbe hirsute et peu entretenue. Un homme pauvre d'évidence et que vous ne connaissez absolument pas. Vous n'avez jamais croisé cette personne auparavant. Ses atours en ferait plutôt un pauvre paysan, un homme attaché à la terre, ses mains épaisses en témoignent. Pour autant, il n'est pas de cinétis. M'aiderez-vous à la trouver dans le bois avant qu'elle se fasse boulotter par le loup ? On pourra dormir avant. Le loup l'aura probablement dévoré d'ici là. On veut bien, mais est-ce que vous seriez capable de vous conduire au camp des bûcherons après ? Devions-nous y rendre ? Je connais pas le camp de bûcherons, je peux vous conduire jusqu'au hameau, si vous voulez. Bravo. Censé aller au camp de bûcherons, c'est ton attente. Bah bon, où est-ce que c'est ? C'est à une demi-lieue d'ici. Un demi-kilomètre. Et il y a des lits ? Ah, vous pourrez trouver de quoi vous abriter pour la nuit, oui. Après, vous pourrez... Oui, oui. Je sais pas si les autres sont d'accord pour qu'on aille le chercher. Je suis super fatigué. Mais je vous conduis là-bas, mais vous m'aidez à couvrir plus de trains. Comme ça, je la rencontrerai peut-être... Avant la nuit, avant le loup la boulotte. J'y venais. Bon, vous êtes d'accord pour qu'on aille la chercher ? Une autre solution pour entrer au hameau ou au camp du Madeleine ? C'est loin. Y aller tout seul. Aussitôt, vous laisse discuter entre vous et repart au cœur du bois. Madeleine, ma douce ! Attendez, monsieur. Revenez. Vous pouvez venir avec nous. Le but, c'est de couvrir plus de terrain. Par contre, est-ce qu'on pourra... Je l'appelle. Est-ce qu'on pourra avoir une description plus précise de Madeleine? Appelez-la! D'accord. C'est... Madeleine! Elle répondra à son nom! Mettez-y vous, votre cœur! Madeleine! Ça ne sert à rien, et puis pourquoi nous travaillerons pour cet homme? Parce qu'il connaît le chemin pour rentrer. Hein? Donc sauf si tu le connais, il n'a pas vraiment de solution. C'est pas une solution, là. Ah, c'est la meilleure solution que nous ayons. Je commence à me raviser de son côté. C'est peut-être un or là. Qui c'est ? Vous le laissez partir sur. Moi je me suis engagé. Moi je considère que c'est notre seule option, donc je suis en laissant courir du terrain. Le plus de terrain possible ou les arguments de Camille qui ont ébranlé ta résolution à aider ce brave air? Bah en fait on n'a pas d'autre solution de toute façon, donc peu importe ce qui balance comme argument, je vais l'aider. J'ai pas vraiment d'autre choix. Et puis c'est vraiment moins dangereux de se travailler en groupe que seul. Donc une personne de plus, c'est peut-être. Lui, il marche d'un bon pas et bientôt disparaît dans l'obscurité. Je le suis en essayant de courir le plus de terrain possible, histoire de ne pas le perdre. Vous suivez. Moi, je suis. Je suis là pour être. Moi, je le suis aussi. Bon, allez, je le suis, c'est bon. Je suis fort. Ok. Madeleine. Madeleine. Un moment comme ça, tu entends leur voix s'éloigner. Tu te retrouves seul au cœur du bois, Camille. Tu entends les voix résonner dans la pénombre. Et des craquements de branches qui attirent ton attention. Tu n'avais pas besoin de la mobiliser, à vrai dire, parce que tu te sentais effectivement quelque peu perdu au milieu de cette brume. Tout devenait indistinct, imprécis, comme dérobé à tes souvenirs. Et après le premier craquement, tu entends un grognement sourd, à peine étouffé par la distance. Je me retourne. Dans la direction du grognement. Ça se tient non loin de toi, dans ton dos. Ce qui était ton dos et qui maintenant tu fais face, et tu vois que des ténèbres baignées de brume et de petites lueurs jaunes qui papillonnent. C'est peut-être Madeleine. Non loin de là. J'ai peur. À quelques dizaines de pas, la lueur du firmament ne perce guère à ce stade de la nuit. On discerne plus du gris sur de la ténèbre profonde, mais au cœur même de la ténèbre, à hauteur de où se tiendrait ta taille, deux yeux jaunes luisants te regardent, des pupilles surgissent de la ténèbre qui ne bougent pas et le grondement, sourd d'un chien, d'un loup peut-être. Disposes-tu d'une arme ? Non. Tu as tes pieds nus et tes grandes jambes pour distancier... Pour distancier, mais peut-être. Oui. Prends-tu tes jambes à ton cou ? Oui. De plus, je suis lâche, alors. Tu t'éclipses sans autre forme de procès et tu vas au plus vite, c'est cela ? Oui, tu mélanges. Faudrait aussi que je mélange ça, non ? Je peux le faire. Mélange. Je le fais. Donc, non, c'est de la main... Hop, de la main droite. De ta main droite, tu prends... C'est en quoi ? Une c'est carte. En corps, j'imagine ? Oui. Alors... Ça va être quelle compétence ? Corps. Agir, peut-être ? Oui. Donc j'ai deux. Je sais pas ce que c'est si c'est un 1, j'imagine. Sur 14. Xavier, tu cours aussi vite que tes pas peuvent te porter et tu sens sur toi non pas une créature, mais il y a bien cinq de ces formes velues qui se glissent à ta suite dans l'obscurité du bois, brisant sans peine les obstacles de ronces, de branches, de bois qui se dressent sur leur passage, se déjouant des replis de terrain. Seul par endroits, la boue et les trous d'eau les ralentissent. Tu as plus de peine avec tes sabots aux pieds à courir aussi vite que l'éclair. Que l'éclair qui n'est pas parvenu à troubler la nuit toute la journée durant. Et bientôt tu sens la première morsure qui vient entamer tes chairs. L'une des créatures se pend à ta cuisse et mord, laboure profondément, mais ne parvient pas à t'immobiliser. Tu poursuis ta course et les sèmes bientôt en dévalant une pente. Tu as perdu 2 points de ressources. T'en as 6. Tu vois, santé sur 6. Ah oui. Donc tu as 4. Mais tu parviens finalement à les distancer. Et tu arrives au bas de la pente, cul par-dessus tête. Tu entends. Les créatures qui te poursuivaient jusqu'alors, tu les as entendues s'arrêter et tu les entends maintenant dévaler, contourner l'épaulement de terrain que tu as dévalé toi-même, cul par-dessus tête, en glissant au milieu des fougères, des ronces, manquant de te démettre l'épaule le long de la souche qui a venu. Sur laquelle tu es venu buter et à arrêter ta course. Tout endolori, tu entends les grognements qui ont repris et tu entends un « Madeleine ». Vous avez marché un moment à vous époumoner. Madeleine. Madeleine. et en même temps à vous inquiéter car l'obscurité grandit à mesure que vous vous enfoncez un peu plus au cœur du bois. Vous avez délaissé des trous ombreux, gorgés de ténèbres où rien ne brille, rien ne luit, aucun désastre ne vient dissiper la noirceur de la nuit. Vous êtes resté timidement dans les lueurs de la lune, toujours baigné dans cette brume étrange qui a mis sous sa coupe tout le vallon. Vous avez maintenant que la voix de votre compagnon d'infortune, vous ne le voyez plus. Les ténèbres grandissent autour de vous. Et alors que tu aperçois un buisson devant toi qui s'agite, tu entends un qui te fait tressaillir. Que fais-tu ? Tu m'avais dit que tu avais ton arc alors que tu t'époumonnais, tu l'avais bandé, c'est cela, Elinan ? J'ai pas entendu. C'est un oui, c'est ça ? Tu as la ressource de tirer un trait si tu le souhaites. L'une de tes flèches sur la créature qui bondit hors du fourré. Le fais-tu ? Le fais-tu ? Tu te sauves ? Tu te sauves, tu lâches ton arc et tu cours le plus vite possible loin de la créature ? D'accord. Vous avez entendu tout comme lui, mais avec un léger temps de retard, vous voyez de fait votre ami détaler, ramasser au passage, soulever, alors qu'il est plus grand que lui, Camille, qui était au creux d'un trou d'une fondrière, couvert de boue. Votre ami Elinan le soulève. Surpris, j'observe la scène. Que se passe-t-il ? Et là, tu vois surgir une créature velue se dessinant dans la pénombre qui grogne, babine retroussée sur des crocs. Ce que je veux dire, c'est juste histoire, peut-être plus dans le truc. Je sais pas ce que c'est, mais on fuit. Voilà ce que pense mon personnage. Et donc, tu détales, tu les accompagnes. Je sais pas si je les accompagne ou je les double. D'accord. Que fais-tu, Marie ? Je sais pas. Je. Tu suis le mouvement, t'es bousculé par Elinan qui s'enfuit à toutes jambes. Donc. Vous avez combien les uns et les autres, vous avez combien encore ? J'ai deux, mais j'ai lâche. D'accord. Ça, c'est important. Mais moi aussi, je l'avais lâche. D'accord. Mais pris en compte. Si, si. Mais c'est un point que je voudrais qu'on aborde après. Oui, c'est comme ça parmi les. Toi, tu as. Il a trois, donc moi. Il a ouais, trois partout. Trois. Mais il a courage. Donc. Je sais pas si ça rafle, du coup. Mais ça peut être le courage. Alors que moi, l'acheter, ça ferait quoi ? Ça ferait comme si j'avais un tarot de plus ou ça change la règle ? La règle ne dit pas. Donc, de mon point de vue, c'est là où la mécanique devrait intervenir et qu'elle n'intervient pas. Ça devrait préciser que tes traits, qu'ils soient bénéfiques ou négatifs, interviennent peuvent intervenir si le joueur les utilise. Faut pas que ce soit automatique. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est pour vous deux. Moi, j'en tenais compte. J'en c'est vrai compte que j'ai pas dans vu la ça en lisant le truc, mais oui. Je pense que c'est interprété de la sorte. Donc. Bah, tu veux l'interpréter comme ça à la table ou on l'interprète comme lui il l'a fait, c'est-à-dire en faisant. Donc, rien. Deux. Je vais partir de la base déjà. Okay, toi, tu as combien encore? Deux, je crois. Encore. Deux, et c'est. Ah, trois, cinq. Et moi, j'ai deux. D'accord. Donc, on a 5, 7. 1, 2, 3, 4. Et lui, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, plus 3, ça donne 10. Ok. Et donc, moi, je vais en prendre 4. Ok. Alors, et là, il a 21, 20, 19 et 18. Yes! On va recréer le. Le pentacle? Le pentacle, c'est toi qui poses la première carte. Combien? Le roi de coupe 14. Et donc, vous distancez. Terrorisé par ces grognements, ces halètements, ce surgissement dans la nuit, vous. Vous éloignez rapidement du vallon, remontez la pente que tu venais de dévaler à toute vitesse. Vous entendez les aboiements qui se portent vers vous. Donc, hop, ici. Tu prends la meilleure carte dans celle que tu as tirée, la plus grande valeur. Si t'as un autre roi, tu... Ok. Donc, nouveau 14. Vous gagnez encore de la distance. Vos poursuivants semblent s'empêtrer. Assez gros, d'immenses molosses jetés à votre suite. Et tu prends la dernière. Alors, le cœur, c'est. Hop, non, c'est mon tour, pardon. Donc, tu avais une valeur de. Et. Donc, vous parvenez sans savoir comment à distancer vos poursuivants ou les lasser. Vous courez tout votre souffle, vous êtes hors d'haleine, essoufflé, vous vous arrêtez au sommet d'une pente. On les peut au sprint, yes. Vous les avez surtout. Regarde tout ce que j'avais. Par contre, à l'endroit, c'est pas gagné. Donc, j'avais une super main par le coup. Oui, donc tu vas. Bah non, je suis là, moi je l'ai, j'en sais je pense qu'il faudrait mieux les remélanger parce que en fait, je serais tombé sur tout cela. Mais ça dépend comment tu les prends, mais ça fait partie du jeu. Ok, donc. La main. Non, t'as fait une erreur. Parce que celui-là, il venait de ma main et il y en a un de tien que t'avais là. Aucun effort. Non. Ok, mais on verra le moment venu. D'accord. Je peux chercher dans le jeu. Ouais, et puis après, je remélange après. Voilà. Tu mélanges de ta main droite. Ok. Super trou d'arbre. Vous parvenez. Vous savez comment vous échapper à ces molosses de la nuit surgis dans la ténèbre pour emporter et se nourrir de votre terreur. Ce que vous avez vu, ce sont des crocs immenses qui vous menaçaient de dévoration, et pourtant, vous avez su leur échapper promptement, au prix d'un grand souffle, d'un grand essoufflement. Vous avez perdu toute votre énergie, et là, vous n'entendez plus le Madeleine. Non, il a totalement disparu. Vous êtes au haut d'un chemin. C'était Madeleine, je crois. En revanche, face à vous, au milieu de cette immense mer faite de volutes de brume, se dessine une cabane, une petite cabane de bois, construite au cœur du bois, qui apparaît comme un îlot. Ouais, c'est notre oasis, quoi. Un îlot inespéré, un refuge. Un refuge pour échapper à vos poursuivants, à ces bruits de griffes qui grattent le sol, qui arrachent une plainte sur leur passage au lit de feuilles. Vous rentrez immédiatement en trombe, vous dévalez la petite pente qui mène au travers d'une sente forestière jusqu'à cette maison de Guingois. Elle a été bâtie pour l'abri qu'elle prodigue, pas pour son élégance. Elle est toute de bois, mais toute biscornue. Et lorsque vous arrivez, le premier d'entre vous, le plus rapide, tu as combien en corps ? C'est que deux en corps. Sanixa. Non, Alexan et Xavier sont à égalité avec 3. Oui, mais ça dépend de vos capacités en agir. Tu as combien en agir ? Tu as combien en agir ? 3 en agir, 3 en agir. D'accord. Et... Il a lâche. Est-ce que tu as lâche ? Quoi, j'ai lâche ? Ah non, pas lâche. T'as pas lâche. Non, donc, étant donné qu'il a courageux, je dirais que c'est elle qui court plus vite, comme elle est pas courageuse. Mais pas forcément lâche. Si, je suis courageuse. Ah, mince. Ah, ils sont tous les deux okay. courageux. Vous savez quoi ? Lancez ça. Et donc ? Tu lances ça. En fonction de la phase sur laquelle ça tombe. On va faire très simple. Ouais, ouais. Celui qui a la valeur la plus élevée. Si jamais il tombe sur la même carte, c'est pas possible. Donc, ça me rassure. Hop, chacun prend une valeur. C'est pas grave si je prends moins vite. Donc, 17, 8. Mais Xavier, c'est plus pour la blague hein, là qu'on regarde qui arrive en premier. Donc Marie pose la main sur la porte, s'apprêtant à faire jouer la serrure. Curieusement, une vieille serrure métallique toute rouillée. Tu joues et tu entends le chambranle grincer et là, la porte résiste sur sa lancée. S'ouvre en grand. À l'intérieur, tu sens la chaleur d'un foyer qui dissipe le froid qui vous entourait, qui vous avait... Hé, ma petite ! Oh là ! Mais rentre ! Ne prends pas froid ! On va tous débarquer à la suite. Zoom, zoom, zoom, zoom. Un vieux bonhomme à la chevelure toute décatie, comme des lichens qui seraient répandus à la diable sur sa tête. Une barbe tout hérissée, courte, sur un menton en galoche. Te fait signe d'entrée, il y a un petit feu qui ronfle, qui dissipe une chaleur que tu as ressentie tout de suite et une lueur plus discrète qui a du mal à gagner sur l'ensemble du logis. Mais il t'invite. Viens ma petite, viens t'abriter. Au dehors, il y a des créatures sombres qui ne cherchent qu'à nous dévorer. Et n'écouterais-tu pas ton courage ? Toi, la brave Marie qui ne renacle jamais à la tâche. Et les deux petits qu'on envoie au front, tandis que nous deux, on se barre. Et toi ? Mais mon gars, mais vous êtes deux petites filles, là ! Allez, perdues au cœur du bois ! Allez, ma fille ! Je suis un garçon. Ah, tu es un garçon. Oh, pardon, monseigneur. Entrez, monseigneur. Hey, il me reste des noix et un peu de chaud. Prendras-tu de la soupe avec moi pour te réchauffer ? Allez, venez. Il sera pas dit que vous aurez manqué à quoi que ce soit. Venez vous réchauffer auprès du glauque. Je rentre. Allez, manger de la soupe. De chaud. Vous rentrez, vous réchauffez, comme l'avait suggéré Elinon, qui ne pouvait résister au plaisir de remplir sa panse. Lui, le gourmand, tu cèdes à ta pente naturelle, à la tentation qu'agite sous tes papilles avivées par la faim, les privations du bois. Et là, tu sens le chou bien chaud dans la soupe tout fondant que tu répands sur un quignon de pain de noisette, une belle assiette de noisette. Ah, tu te délectes dans ton repas et tous et toutes vous avez un temps, une épiphanie, un moment de contentement après cette course éperdue de ces molosses surgis de la nuit. Vous avez discerné que les canines, que les crocs, que la pupille jaune, vif, brillante comme une étoile dardant dans la nuit. Vous avez saisi que des traits épars, le halètement sur vos pas, leur couinement de mécontentement lorsque vous les distanciez au travers des buissons, des embûches que vous leur semiez, pliant hardiment la ronce pour leur renvoyer à la tête. Vous avez réussi à déjouer leur faim pour satisfaire la vôtre autour de ce repas inattendu et plantureux du chou, un peu de viande fondante au-dedans et ce pain de noisette délicieux qui ravit les papilles. Vous mangez littéralement, vous ne dînez pas avec le glaude. Vous n'échangez que des paroles qu'une fois rassasiés, vous léchez vos doigts pleins de graisse et de soupe. Vous mangez les quelques nèfles qui sont disséminées sur l'étroite table qu'il vous a offerte. Ah ben, vous aviez faim, hein, les enfants, là. Ma maison était la bienvenue. Ah. Vous pourrez rester... Allons bon, pour la nuit, hein? Mettez vos petites affaires dans le coffre et allez prendre ma couche. À mon âge, on peut se passer de dormir et j'ai entendu rôdailler des choses sombres autour. Vous êtes mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Demain, il sera encore temps que vous repartiez. Assez vite, le sommeil vient après la frousse. Je vous ai dit combien de ressources de santé vous aviez perdu les trois coureurs. Donc c'était 2, mais vous n'en notez qu'une, donc vous êtes à 5, tous les trois. Et toi, tu avais une de plus de la course. T'en avais 2, mais vous en récupérez une de cette nuit de sommeil. Je meurs. Donc santé. Santé, t'es à 5 sur 6 au lieu d'être à 6 sur 6. Voilà. Bah, les autres sont à 6 par défaut. Bah non, puisqu'il s'est reposé. Il s'est reposé. Justement, donc, on était à 4 et donc il a repassé à 5. Voilà. Du coup, moi je repasse à 5 ou j'étais à 3. Mais non, t'en avais 2 d'avant. Attends, ça veut dire que j'étais à 2 points de santé là? Oui. C'est ultra létal ce jeu. Nah, tu crois? Vous avez quand même couru dans le bois avec vos trousses. On a dû courir une bonne lieue, voire 2 lieues, hein. Vous avez à toute allure, vous avez dévalé des pentes, vous êtes empiergé dans les ronces. Tu t'es fait boulotter la cuisse par un molosse surgi de la nuit. C'est ça tes 2 premiers points. Hein? Et donc vous avez discuté, mais vous avez pu souvenir de quoi vous avez parlé. Mais une chose est revenue quand même. Le vieux Glaude vous a dit d'éviter Giolo. Giolo, c'est le bourg au-delà. Parce qu'une pestilence y sévit et qu'il vaudrait mieux ne point s'y rendre. Cela dit, vous êtes à une lieue seulement de la vallée de Riolo et de la grande ferme du Eude. Et il était assez partagé. Il vous a dissuadé de reprendre votre route dans les bois car vous risquiez de vous égarer à nouveau. Que le chemin d'où vous veniez était fort éloigné et qu'il vous faudrait l'entreprendre que si le temps était remis au lendemain. Au matin, lorsque tu es venu péniblement aboiter vers les restes de soupe qui finissaient sur le feu à demi éteint de la nuit, qui bouillonnait de façon rassurante, réduisait tranquillement sur la plaque. La grande plaque de marbre qui jouxte l'âtre. Donc, attiré par son fumet, tu t'es levé, mais tu as senti la douleur te lancer dans la jambe. Il a examiné sans te laisser écarter ses vieux doigts crochus. Il a écarté un peu plus ta braie, déchiré un peu plus le tissu pour voir, observer. Et t'as dit, tu peux retourner sur le long chemin, il faut aller au bourg, trouver quelques rebouteux pour soigner cette vilaine blessure, la penser avant que les choses ne s'enveniment. Fort bien. C'est pas quelle vile créature t'a mordu. De fait, tu regardes ta cuisse et la plaie vilaine, elle a pris une teinte violacée, bleutée. Tes veines sont apparentes, elles forment un lacis tout autour comme si tout irriguait la blessure qui t'a été faite. Au dehors, après Scobe, lorsque vous êtes réveillé par la fraîcheur du matin, la brume a envahi le sous-bois, vous êtes en lisière d'une forêt, et en contrebas, vous apercevez une vallée qui vous est inconnue. Une vaste tourbière s'étend le long sur la gauche du chemin, de la sente qui s'éloigne de la lisière à laquelle vous vous trouvez. Sur la droite, ce sont des pâtures ordonnées avec des murets de pierres sèches qui les saignent. Plusieurs pâtures, et dans l'une d'elles, la plus éloignée, vous distinguez des chevaux qui y vont librement. Et au-delà, en contrebas, là où le chemin enjambe un petit cours d'eau qui s'enfonce impétueusement dans la vallée pour rejoindre bientôt une rivière plus large encore, enjambée elle-même par un grand pont de bois qui mène à une espèce d'îlot sur lequel est construit un donjon. Sur la gauche, au-delà de la tourbière, il y a une grande ferme fortifiée, beaucoup plus proche que la tour en contrebas dans la vallée. Vous voyez à 6 lieues à peu près. C'est pas que la vue soit dégagée, vous avez des bandes brumes qui saignent l'ensemble du paysage, mais ce que vous distinguez, ce sont les éminences, la tour qui surnage sur son îlot, la ferme qui émerge sur un coteau, entourée ceinte de ce qui semble poursuivre la forêt dont vous avez émergé. une forêt sombre et très haute de hêtres et de chênes. Je ne ferai pas mentir l'hospitalité de la région, mais je n'ai pas assez de réserves pour nourrir 4 enfants. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre bûcheron. Et vous avez vu mes maigres bras. Autant vous dire qu'il est dur de gagner ma pitance. Je ne peux vous offrir que de quoi vous requinquer et repartir, mais pas au-delà. On comprend parfaitement, on vous remercie déjà beaucoup pour ce que vous avez offert. Ah, vous m'aiderez fort en m'aidant à rentrer le bois que j'ai serré tantôt. Rentrez-le sous l'abri à bois, ça me gagnera mes forces avant de partir. Je vous en remercierai fort. Soit. On y va ? Oui. Après avoir... Qu'est-ce que tu allais dire par c'est quoi ? C'est quoi ce regard ? Rien. Le regard, genre. Donc après. Tu t'engages pas pour rien, toi. Après avoir absorbé la frugale soupe du matin, frugale parce que ce ne sont que les restes de ce que vous avez dévoré la veille, vous allez dans la fraîcheur du matin. Déplacer le tas de bois et le ranger. De fait, le billot est en place et il vient commenter en disant que il serait bon de lui fendre son bois parce que son vieux dos le fait souffrir et que ce serait gentil de votre part. Il est exigeant. Vous lui débitez son bois, bien évidemment, parce que vous êtes de braves garnements, quand même. Oui. Oui. Et donc, c'est que... bien des heures plus tard que vous avez achevé votre travail, parce qu'il souhaite aussi qu'il soit empilé dans le bon sens pour que l'eau ne ruisselle dessus et... ne pénètre pas le bois, parce que c'est du bois vermoulu dans terrible. L'âtre, ça dégage une fumée très mauvaise pour ses bronches, et il n'a plus de souffle compte tenu de son grand âge. Rendez-vous compte, j'ai connu l'attaque des Normandies. Hein ? J'étais là pour repousser leurs assauts sur Criollo, lorsqu'ils ont tenté de s'emparer du donjon. J'étais là avec ma brave arbalète. Et... brave, l'arbalète, pour précision, est considérée comme l'arme du lâche. Donc c'est une figure de style. Hein. Involontaire du personnage. Soleil noir. Bien involontaire du personnage. Le fait d'être arbalétrier d'un duc, c'est une charge importante. Hein. Ça voudrait dire qu'il est le chef des milites. Je peux retourner chercher mon arc ? Je l'ai oublié dans le coffre. Mais j'en aurai l'usage pour aller chasser le lièvre cet hiver. Ça paiera ton séjour, hein ? On a déjà payé notre séjour en faisant votre boulot à votre place. C'est vrai. Tu as l'esprit vif, hein. Bon, tu as l'esprit vif. Mais elle était bonne, ma soupe. Ouais, ça va. Elle m'a rassasié. Pour une fois, rarement. Bon, allez, je te rends ton arc, mon ami. T'en auras plus l'usage que moi, j'ai ma brave arbalète. Quoi ? Néanmoins, je vois à ton ceinturon pendouiller mon brave Camille... de quoi me la réparer en un tournemain ? Ne voudrais-tu pas y jeter un œil pour t'assurer que le mécanisme fonctionne encore à plein ? Ou que tu répares son arbalète ? Alors, il n'y a pas de crémaillère, hein, bien évidemment. C'est une arbalète simple avec... Oui, c'est celle que tu dois repasser dans voilà, tous les sens. Mais l'arceau est tout tordu. Tu peux le redresser. L'arceau qui sert justement à la tendre l'étrier. Tu me récompenses comment si je te répare cela? Oh, je veux bien laisser un quignon de pain de noisette. Je pourrais le boulotter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'explique pas pourquoi, travail du fer, voilà. J'imagine que le roi est mieux que la reine. Ah oui, 14. Rare. Mais la reine, ça vaut combien? 13. Ah non, 13, pardon. Allez. Donc, attends, 13, c'est quoi 6. Le personnage? 13 moins 6. 7. 7. La meuf. Donc, 7. C'est la qualité de ta production. C'est la marge de. L'amour. La marge de. L'amoureux. C'est comme ça que. Alors, je vous donne. En même temps, je vous donne. Puisque c'est notre première expérience avec Damnatio, je vous donne l'interprétation. Et comment tu gagnes des niveaux, tiens? Non. C'est la fidélité, c'est le fait d'avoir joué tes inclinations. C'est qui? Donc tu es dans une réussite normale. Donc ça permet de tu redresses l'étrier, tu ôtes la rouille qui s'était... tu grattes la rouille là où elle s'était insinuée et... en chauffant un peu le métal, tu t'assures qu'il joue à plein et qu'il est une nouvelle vie, que l'arbalète est une nouvelle vie. Alors, c'est pas celle que tu as vue auprès de l'artilleur du duc, mais c'est quand même une belle pièce qu'il a là. Effectivement, ça a dû être un militesse en son temps. Artilleur, c'est le titre que l'on donne au chef des militesses qui est chargé de la défense de la ville. Oui. Voilà. Voilà pour toi, militesse. Merci, brave Camille. Je suis fort aise d'avoir à nouveau ma brave arbalète pour ma défense. Car tu l'auras noté à ton corps défendant, les loups sont hardis ces derniers temps. Le quignon de pain, donc. Il l'a mangé. Ah, j'avais oublié. Oh, mais tu vois, les souvenirs avec le temps s'estompent. Ma mémoire me fait souvent défaut. Il revient te tend une assiette de soupe. C'était pas du pain qui devait me donner. L'assiette, elle est. De fait, il n'y a pas d'assiette. On utilise le pain qu'on coupe et ça fait une assiette. Donc il t'apporte une assiette de soupe au lieu de t'amener la miche de pain qu'il t'avait promise. Soit. Bonne route. Et puis bon courage à vous. Bonne route, c'est nous qui nous allons. Je te souhaite pareillement la bonne route, brave Camille. Espèce d'escroqueur. Ton cœur... D'escroc, on dit. Espèce d'escroc. Escroqueur. Nouveau vocabulaire. Personne n'a osé m'appeler escroqueur, garnement. Et il faut un grand coup de pied dans les fesses. Mais... Et la détente du vieux monsieur est surprenante. Malgré son dos voûté, tu sens passer le coup de pied dans les fesses et il te rappelle celui des bûcherons mécontents. Il a, lui, pas des sabots comme toi ou les bûcherons. Il a des bottes, les bottes que portent les cavaliers. des bottes avec des bouts ferrés. Monsieur, je croyais que vous avez le dos. Je crois que lui, il a fait un arc de carrément une arbalète. Ils ont des arbalètes, les... Certes, certes, mais lorsqu'on suscite mon ire, on la trouve. Hein? Il convient de ne pas manquer de respect à vos aînés, garnement. Et là, il te prend par la joue, comme ça, il te soulève. Je ne ferai pas l'affront de te faire ça, mais ça fait mal. Vous avez promis de lâcher pas à mon ami Camille et j'aurais pu tout bouleter. C'est pas juste. C'est vrai, c'est vrai. Il ne sera pas dit que je ne suis point juste. Tu as raison. Et je ne suis pas un escroqueur. Et il revient avec une belle miche de pain et il en sort une deuxième de sous son bliot. Allez, pour compenser ma bévue. Une miche de pain. Pour le garnement qui n'a pas peur des escroqueurs, et une autre pour le brave Camille aux doigts d'or. Doigts d'or, c'est... Allez, que les vents vous soient favorables. Merci bien. Merci. Il dit même pas bon appétit. Ouais. Il va être 17h sous peu. Voilà, donc on n'a pas joué ce que je souhaitais jouer en totalité. Mais on a déjà joué une bonne partie. On a joué la moitié en fait. Bah écoute, la moitié c'est une bonne partie. Donc, pour information, nous jouons un scénario de découverte écrit par Yakab, donc l'auteur. Oui, si c'est pas une campagne, tu prends souvent des scénarios. C'est bon, curieux, le pain. Donc, Curiosa Plaga. Donc, nous avons joué une partie de celle-ci. Nous avons joué une partie de celle-ci. Je vous propose de jouer la suite dès que possible, si vous en êtes d'accord et si vous appréciez le ton que nous avons pris. Honnêtement, il y a juste 2-3 remarques sur le système, mais sinon. Que tu souhaitais que je fasse de toute façon. Je trouve le système super bien. Gabriel, s'il te plaît. Alors, déjà, c'est juste... vu que c'est Alexane qui doit partir en premier, je pense voilà. Que ça commence le débrief. C'est Alexane qui va nous faire son commentaire. Donc, je précise, je voulais vous faire jouer une fiction avec une histoire relativement structurée qui va nous permettre de déboucher sur la suite de notre campagne amorcée de Mantra. C'est pourquoi je t'ai imposé le prénom, notamment, donc Marie. Là, nous avons joué une partie de ce que... Donc, pour ce faire, j'ai réinterprété un peu ce que proposait Yakab. Je l'ai adapté à la situation. Et il y avait, dans le fond de l'histoire, dans la motivation, des figurants notamment, il y avait des aspects qui étaient occultés par le bulletin de sécurité émotionnelle que nous avions rempli la dernière fois. Voilà, donc oui, j'ai prévenu Yakab, il est au courant qu'il y avait des éléments qui étaient couverts d'un voile à la table. Oui, bah justement. Et je lui ai dit comment je les altérais. Avec Alexane, on avait plaisanté en disant si ça se trouve, c'est un pédophile. Mais de toute façon, d'après le bulletin, ce n'est pas possible. Exactement, c'est un point que je m'interdis. Oui, non, mais j'avais bien saisi, mais juste, on a trouvé ça drôle de faire la remarque parce qu'il vient. Vous voulez à manger en pleine nuit alors qu'on se fait courser, donc bon. On trouvait ça drôle. Entrez, je suis pas chaud personnellement. Mais bon. Alors maintenant, je laisse la parole bien évidemment à Alexane pour qu'elle nous fasse part de son sentiment et de la façon dont elle a ressenti la partie. Est-ce que ça t'a plu ? Oui, ça m'a énormément plu. J'aimerais bien jouer la suite. L'ambiance, elle était agréable et voilà. J'ai hâte de jouer la suite. Voilà. Les éléments de ton personnage, les éléments qui définissent ton personnage, te suffisent pour l'avoir en tête ? Oui. Est-ce que le fait qu'on ait eu recours, alors je t'ai un peu aiguillé là, sur ce sujet, j'ai suggéré par exemple que, puisque tu étais courageuse, tu pouvais te dérober, mais c'est ce que propose le jeu. Est-ce que l'idée qu'on te donne un guide et que tu aies une façon dont tu dois idéalement interpréter le personnage te convient ou au contraire ça te dérange un peu ? Ça me convient. Ça te convient. Pourquoi il m'a pris pour une fille dans le jeu ? Parce qu'il considère qu'on a les mêmes apparences que réellement. Parce que tu étais en retrait, qu'il faisait nuit, qu'il avait peut-être la vue basse. Je te donne des possibilités. Xavier, même moi, alors que en soi, j'ai un peu de barre, on me confond des fois avec une fille, même de face, alors bon. Tu vois, alors à ton âge, dans la pénombre, tout essoufflé, face à un vieux monsieur, alors s'il avait dit bonjour monsieur, il a une excellente vue ce monsieur. Je sais pas comment il a fait. Ni dans les pensées. Ou alors il t'a reconnu et il te connaissait déjà. Alors, du coup, moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Alexane, ouais. Par rapport aux inclinaisons. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air relativement intéressantes à jouer dans le système, mais qui n'ont pas forcément l'air exploitées. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres choses qu'inclinaisons. Il ne me semble pas en ayant lu. Inclination, pardon. Ouais, parce qu'inclinaison, c'est autre chose. Arrête de penser aux angles. Pardon. C'est dommage que dans le... En fait, sans forcément l'obliger à l'intégrer au système, parce que pour moi, ça dépend de chaque meji et chaque table. Mmh. Mais, par exemple, mettre, je sais pas, un encadré suggestion, vous pouvez modifier le nombre de tarots piochés. De l'âme, ouais. De l'âme, en fonction, si le joueur parvient à arguer à l'aide de l'un de ses inclinations. Et à contrario, si le meji se souvient du... Enfin, du coup, ça demande soit au meji de connaître parfaitement les joueurs pour pouvoir... à contrario les embêter avec, soit au joueur d'être suffisamment fair-play pour dire « Ah oui, non mais là, tu dois me mettre un malus, j'ai courage, donc m'enfuir, c'est plus compliqué. » Exactement. Moi, je trouve que elles sont pas assez mises en jeu, je suis d'accord. Justement, en fait, ce serait pas forcément l'obliger, mais dans son système, au moins proposer la suggestion pour des tables qui pourraient le faire mais qui n'y pensent pas. Non pas qu'on ait la science infuse, loin de là, mais... On pense, je dis on parce que je pense que t'es d'accord, ouais. Que ce serait. Ça apporterait plus au moteur. Et du coup, au lieu d'être uniquement sur la fidélité, le jeu, la mécanique. C'est pas que sur la fidélité, mais l'utilisation, si tu parviens à les utiliser. Après, voilà. C'est sûr que pendant. Par exemple, courage, si jamais tu n'as jamais à te mettre en avant pendant toute une séance, c'est sûr que ça pénalisera, mais. Ça pénalisera. Après, sur une partie courte, on s'en fiche des points, parce que t'es pas censé en gagner. Ou alors, c'est 8 juste à tout casser au maximum. Voilà, 4, c'est 4 là. Oui, non, mais justement, si on le joue en 3 parties et qu'il gagne le maximum à chaque fois, 8 à tout casser. Non, mais c'est 4, c'est pour, pour une aventure. Une aventure, bon, 4 à tout casser. En soi, même si pendant une aventure, je sais pas, on va l'appeler Jean-Eudes, Jean-Eudes, il est jamais mis en avant. Tant pis, cette aventure, son personnage n'aura pas bénéficié suffisamment. Mais à contrario, il y a une partie où ce sera lui la personne mise en lumière. Du coup, même ça permet d'explorer plus facilement les arcs. Comme ça, rien qu'en voyant cette progression, on peut voir qui s'est mis ou a pu se mettre en avant. Donc, que ça influe sur les points donnés en fin d'aventure, ça peut être intéressant. Tu peux passer le coca avec ça, s'il te plaît. Désolé. Ensuite, il y avait quoi d'autre? La santé. C'est intéressant, même si par rapport à d'autres moteurs, des gens pourraient râler. Parce que, une santé fixe, oui, c'est logique. Mais. Enfin, ce serait un peu plus complexe, mais peut-être une santé basée sur l'âge ou certains paramètres. Par exemple, je vois que. Je l'ai foutu. Elle pourrait être proportionnée au corps, par exemple. Par exemple. Mais après, le défaut, c'est que du coup, les gens vont s'amuser à monter de façon débile le corps. Voilà. Du coup, c'est... Et comme la santé... C'est un choix, en fait. Voilà, c'est un choix. Je pense que l'arbitrage, moi, je le trouve, au contraire, personnellement, juste. Parce que ça le dissocie... Oui, ça le dissocie complètement. Voilà. Justement, je fais le contrario, parce que d'habitude, je joue Star Wars aux confins de l'Empire avec des amis. Bon, le moteur, il a ses défauts, j'en ai conscience. Après, là, voir de la santé fixe, en soi, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, et c'est appréciable. Et ça veut dire que le risque... Le risque est le même pour tout le monde. Face à l'adversité, Gabriel disait « Ah, c'est létal !» Oui. Et là, ça prend vraiment tout son sens. C'est-à-dire que le poignard dans les mains d'un Elinan est tout aussi dangereux que la hache dans les mains d'un Danois qui te menace. Oui. Ensuite, il y a pas de Danois. Comment C'est Normanie, mais à cette époque-là, et il y a justement un certain Othon le Danois qui sévit aux alentours. J'ai parlé des attaques de Normanie, elles étaient menées par Othon le Danois. Et en plus, on est à Senlis. J'ai retenu, hein, j'ai bien tilté. Tu m'as demandé de parler du moteur. Mmh. Du coup, bah, déjà la fiche, je la trouve bien disposée. Elle est lisible. Et il y a le résumé des règles dessus. Il y a un micro-résumé au milieu. Et justement, ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est proposer une version alternative de la fiche, imprimable en recto verso, où on met plus d'informations en dos. Comme ça, notamment, par exemple, par rapport au résultat, ou un petit rappel sur comment jouer au tarot, enfin, avec le tarot. Comme ça, les joueurs, si jamais ils ont un doute, ils ne sont pas obligés de faire pause, ce qui rompt l'immersion. Ouais. Après, c'est une alternative, hein. Cette fiche est très bien comme ça, c'est juste alors, pour les joueurs pour oublieux. Pour répondre à ta remarque... Ou sinon, faire une fiche mémo au milieu de la table. Alors, elle va probablement apparaître parce qu'il l'a fait pour la version en ligne, parce qu'il lance les playtests en ligne. Bah, pour parfait, remarque inutile alors. Hein. Non, mais ça rejoint sa propre préoccupation. On n'a pas pu utiliser la partie équipement, mais ça, de ce que j'ai lu et de ce que je vois, ça a l'air intéressant. Poussé, bah, personnellement, j'aime bien quand le moteur est vachement poussé. C'est un peu ce pourquoi j'ai un peu de mal avec certains narrativistes, parce que t'as pas de moteur. Enfin, si, mais minimal. Minimaliste d'ailleurs, plutôt. Ouais, Xavier, tu peux te moucher, s'il te plaît. Quelques termes ambigus au départ, donc le moteur est entre guillemets un peu dur à prendre en main. Donc ce que j'entends par un peu dur à prendre en main, c'est le remaniement justement qui me semblait un peu flou. Recouvrement, voilà. Yes, je confonds les mots. le recouvrement, mais a posteriori c'est intéressant. C'est juste peut-être moi qui n'étais pas suffisamment concentré, qui ai mal lu. Remarque, je faisais autre chose en même temps. Donc, après, il y a une version que je t'ai pas proposée sur YouTube de présentation en ligne. Il fait une résolution pentacle en ligne et une résolution affrontement simple. Ça peut être intéressant, limite, même si on donne que le tapuscrit, préciser que des tutoriels existent, ouais, faits par le créateur. Le mettre, je sais pas, dans une rubrique annotée. Alors, le jeu, il est diffusé via Facebook, une page Facebook dédiée. Oui, non mais... Et dessus, après le PDF, t'as le PDF... Du tapuscrit, des feuilles de perso, et t'as le lien pour les 5 vidéos explicatives. C'est le cas pour beaucoup de bouquins de jeux de rôle, bon, je vais pas citer parce que. Ouais. Voilà, hein, il y en a suffisamment ici pour qu'on ait des exemples. C'est justement ce que j'avais vu, et certains trucs que j'apprécie dans Star Wars au confins de l'Empire, vu que j'ai un peu lu la doc. Bah, de temps en temps, t'as des. Des renvois. Avec des liens actifs. Pas forcément des liens actifs, mais genre par exemple, juste une illustration. Une illustration que ce soit par l'écrit ou une illustration visuelle, enfin graphique, ou des annotations, des conseils, même des fois qui sont prodigués à travers de personnages de la série, même si c'est fictif, même si c'est personnages... Ouais, des exemples, ouais, voilà, un exemple. Limite des exemples scénarisés si ça l'amuse. Mm. Mais ça pourrait alors, être là, intéressant de mettre ces conseils au moins en bas de page. Là on en est au stade de la version pour playtest, donc c'est pas développé, oui, mais oui, c'est prévu. Je m'en doute bien, mais j'évoque tout ce que j'ai eu, vu que j'ai lu le tapuscrit, j'ai l'affiche, j'évoque toutes les idées, vu que tu m'as demandé de parler du moteur. Sinon, la partie en elle-même, l'ambiance était sympa, je veux bien jouer, c'était bisounours comme j'aime bien, écoute, hein, je caricature, hein. Et puis s'il a suivi les autres séances, il comprendra. Alors, c'était pas si bisounours que ça. Oui, c'était pas si bisounours, je l'ai vu. Xavier, il a vraiment flippé, c'est la première fois où il est si impacté. Donc, je m'en excuse auprès de Xavier. C'est tout le fait qu'il parle pas pendant une période de l'enregistrement. Voilà. En même temps, j'ai essayé de gérer ce qu'il avait ressenti, son émotion. Alors j'ai essayé de le faire au mieux pour la table et l'enjeu de la partie. Néanmoins, je pense que la suite, la façon dont ça s'est déroulé, ça t'a plu. Ah si, bah du coup j'ai encore une remarque positive. Ouais. La progression des caractéristiques est très facile à prendre en main. Et logique, purement simplement, j'ai rien d'autre plus à ajouter, le système est bien ficelé. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. J'ai critiqué le moteur. J'ai juste dit qu'il pouvait potentiellement y avoir des améliorations dans les tables réceptives. Mais sinon. Et encore, amélioration si ça se trouve. Il trouve que mon idée n'est pas bonne. Enfin, notre idée, vu qu'on vient penser tous les deux. Bon, de toute façon, il était preneur de tous les aménagements qu'on pouvait suggérer. Bah écoute, voilà, on les a pas appliqués lors de cette partie, mais on y a pensé fortement et j'avais même demandé si on l'appliquait, je crois. Oui, tout à fait. Alors, moi j'ai une suggestion par rapport à ce que vous avez évoqué. Vous avez dit que vous étiez tous les deux. Vous avez dit que vous étiez disposés à rejouer. Donc moi, avec ces personnages-là ou d'autres d'ailleurs. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de jouer la suite mercredi. J'ai bien aimé le moment avec le monsieur. Oui. J'ai pas aimé le moment avec les loups. Mais sens des loups. Quoi ? Sens des loups. J'ai essayé d'être très... J'ai fait beaucoup de descriptions. C'est des loups-garous, c'est ça ? J'ai fait beaucoup de descriptions. Non, ça peut être des chiens, des loups... Des loups-garous. On sait pas s'il y a du... fantastique. En tout cas, ils avaient l'air bien remontés. Peu importe la raison, mais en tout cas, moi je. Ça court déjà, non ? La maladie de la rage. Oui, c'est des. Du coup, t'as peut-être chopé la maladie de la rage, toi. Vous avez là toute une ressource d'ambiguïté. Ça pourrait être. J'ai peur des machins qui me font ça peur. Ça pourrait être des créatures surnaturelles comme des créatures réelles. Tout à fait. Mais si c'est des créatures réelles, loup ou chien, mais dans le même temps. Qu'en penses-tu, Xavier ? Je voudrais te poser une question. Imagine, mais les autres, vous pouvez répondre après. Imagine que tu te promènes dans la forêt et que du buisson surgisse un Rottweiler, un chien, un gros chien d'attaque, les canines. En avant, grondant, est-ce que tu crois que tu détaillerais la bestiole et que tu serais sûr que c'est un chien qui t'a attaqué ? Non, mais le machin qui m'a attaqué, j'ai eu peur, voilà ! Oui, mais ce que je veux souligner, c'est que en même temps, on est dans quelque chose qui est presque du... c'est pervasif, c'est presque l'émotion de ton personnage qui t'a gangréné. Oui. Donc, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien quand c'est relativement bisounours, parce qu'on peut se détacher et éviter de... En fait, de plus jouer le personnage, mais d'être... Enfin, que le personnage soit nous, ce qui... rompt le côté roleplay. Enfin, le côté... immersion, pardon. Ouais. Et interprétation. Désolé, j'ai utilisé le terme anglais. Non, mais ouais, c'est... Donc, c'est justement là, pour le coup, il était plus dans le personnage. Le personnage était devenu lui et réciproquement. C'est vrai. C'est pour ça que, la preuve que je suis pas le seul bisounours. Mais il y a la carte X et il me l'a signalé. Alors, il n'a pas utilisé la carte X, il a utilisé les signes de descente. Peu importe comment il l'a signalé, on l'a vu. Ouais, mais il l'a signalé. Et il reste Gabriel qui n'a pas communiqué son sentiment. Alors, si on pouvait se taire pendant que je parle, ça s'appelle du respect mutuel. J'ai pas parlé pendant que vous parliez. Du respect, attends. Blam. Donc, Xavier. Donc, moi, là, j'ai trouvé le système super intéressant. Je l'avais pas forcément tout à fait bien compris au début. Mais, je l'ai trouvé très intéressant, alors que d'habitude, je suis partisan de... du break the system plutôt que de le garder et de dire qu'il est bien. Du coup, c'est-à-dire qu'on a enfin trouvé un système ludiste ou simulationniste, je ne saurais pas trop où le caser, qui plaît à Gabriel. C'est vrai. C'est plus simulationniste, j'aurais tendance en à fait, dire. En fait, c'est à l'entre-deux, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup plus de simulationniste. Je suis d'accord, je préfère les systèmes simulationnistes. Mais il est dans une démarche simulationniste, je suis d'accord avec... Oui, mais... Enfin, ton analyse. Quand je dis qu'il est partiellement ludiste, c'est qu'il y a quand même de l'aléatoire via le jeu de tarot. Mais il y a de l'aléatoire dans le simulationniste. Oui, parce que dans les simulations, t'as une notion... Tu l'as évoqué, il y a un simulationniste poussé à l'extrême, je sais plus comment... Oui, en fait... lui, ce qu'il aime pas trop, c'est le côté ludiste. Je sais, mais... Et là, il y a une dimension ludiste aussi potentielle. Oui, là, il y a une portion ludiste. Donc, c'est pour ça qu'il est à mi-chemin entre les deux. Mais c'est lui qui penche plus du côté simulationniste. Voilà. Après, moi, j'utilise surtout des moteurs qui sont orientés ludistes, mais je m'arrange pour... Attention. Bon, après, du simulationniste dans des univers qui ont déjà des défauts, à savoir des sabres laser qui ont une taille. Voilà. Mais bon, à part cette blague... de toute façon, moi j'essaie de les tourner partiellement en simulationniste. Je suis plus simulationniste que ludiste. Ça me permet juste d'éviter d'avoir la même réaction que Xavier a eue pendant la partie. Gabriel. Du coup, je te laisse reprendre, Gabriel, après cette longue interruption. Donc, le système me plaît, l'histoire pareil, parce qu'on est. Ben, c'est un truc que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon point préféré dans l'histoire ou dans les fictions. Mais ça a été pendant longtemps un point que j'ai bien aimé développer, c'est essayer de fantasmer à la fois de mêler l'histoire à l'histoire avec un grand H, à la fantasy ou à des. Et en fait, faire vivre les peurs, etc. Mettre des résurgences de la réalité dans la fiction. Par exemple, là, les loups, en fait, ce qui nous a chassés, très, très, très, très, très, très probablement, c'est soit des chiens de la garde de Senlis, parce que justement, t'as parlé du mur plus tôt, et en fait, c'est des chiens enragés qu'on a lâchés bien loin parce qu'on a vu qu'ils étaient enragés et qu'ils se sont dit chouette, chouette, chouette, il y a une. Et tu nous les as dépeints pas forcément comme des chiens enragés, soit c'est des loups enragés qui vivent dans la forêt d'Alat, comme il peut en vivre à l'époque. Ouais. Voilà, donc, et en fait, tu l'as pas dit forcément, et pareil, il y a eu des notions. Enfin, on parle en lieux, on est un peu abstrait, enfin, les lieux c'est historique, mais on reste abstrait, on va pas dire forcément les noms historiques ou alors des noms plus anciens, on va. Alors là, tous les noms, c'est les noms de l'époque. Je sais. Mais. Criollo, c'est Cray. Oui, non, mais ça, j'avais compris. Mais contrairement aux autres, j'avais tilté hein, où on était. Mais quand t'as dit les murs romains. Bon, il y a quand même énormément de chances, j'entends le nom de la ville. Il y a d'autant plus de chances. Et ensuite. Je crois que. Oui, ils sont. Oui, ils sont pas encore là. Il y a. Je crois qu'elle est en haut, en fait. Je sais plus. Bref. Bon, de toute manière, le point où j'ai deviné super facilement, c'était la forêt d'Alat. Tu nous en parles approximativement jamais quand tu parles de Senlis, qui arrive approximativement aussi jamais que tu parles de Senlis. T'exagères, il aime plus te mettre en Alsace. C'est vrai. C'est pas en Alsace, c'est dans les Vosges. Oui, mais en Alsace aussi. Non, mais c'est les Vosges, c'est dans l'Alsace, mais les Vosges, c'est pas l'Alsace. C'est ça. Mais il nous fait jouer en Alsace. Oui. Non, il nous fait jouer surtout dans les Vosges. Il nous fait jouer. Il y a eu les deux. De bas. Vous êtes allé des deux côtés de la montagne. Zba. Il m'a fait jouer sur terre, t'es content? Ouais. C'est bon, Gabriel, ou... Oui. Bon, du coup, t'auras du traitement de son, là, vu comment on dit n'importe quoi. Donc, j'ai pris trop de temps pour... j'aurais dû créer moi-même les personnages et vous les proposer en jeu. Pas forcément, parce que ça nous a permis déjà de voir le système que on devait tester de toute façon. Oui. Et puis, par contre, ce qu'aurait pu être mieux, c'est on aurait peut-être dû comment entre guillemets commencer avant, vu que j'étais censé voir le système avec toi. Enfin, Gabriel est moins système, mais il aurait très bien pu le voir. Déjà, on serait rendu compte que les valeurs de base c'était égal au truc, parce que je sais pas si tu t'en as rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte en faisant la fiche. Mais ça, déjà, ça aurait pu nous faire gagner une bonne quinzaine de minutes. Oui. Donc, juste prévenir, la valeur initiale, c'est ça. Et si vous voulez augmenter vos valeurs de combat, vous devez décrémenter les valeurs. Toujours suivant la fiche de points, ça aurait fait gagner du temps. Voilà, bah, vu que tu parles de gagner du temps... Donc, de ce point de vue-là, j'ai perdu du temps à la tablée. Je pense pas que tu as... Enfin, mon personnage, il est un peu à contre-courant de ce que j'ai, parce qu'il est censé être effacé, etc. J'ai fait un personnage qui est atypique pour moi, parce que je me suis dit, t'inquiète. Et bon, après, j'ai pris, par rapport à un truc qu'on avait vu plus tôt, qu'on avait vu le week-end dernier, le travail du bronze. Voilà, j'avais mon idée, j'ai réussi à l'implémenter assez facilement. Mais donc oui, j'ai pas fait un personnage qui met habituellement. Donc il y a eu une vraie création de personnage. À contrario, moi j'ai fait un personnage type qui ressemble étonnamment à celui de Gabriel, parce que c'est souvent ce type de personnage que je fais, pour voir comment le système réagissait à mon pattern. Donc j'ai les deux réponses par rapport à ma façon de faire. Ensuite, j'ai aménagé Curiosa Plaga en fonction de la campagne persistante entamée. J'ai joué relativement fidèlement les premières scènes. On a joué la moitié en un peu plus d'une heure. On aurait pu jouer plus longuement en s'apesantissant et en laissant plus d'agentivité aux joueuses, en posant plus de questions, en jouant peut-être de façon plus morcelée. J'ai choisi la résolution par pentacle pour la course poursuite, et c'était peut-être pas judicieux. Si, au contraire. Si, au contraire, parce que le système a beau être long et rompre partiellement l'immersion, surtout pour les personnes qui le découvrent, parce que moi, pour le coup, les explications papier, j'ai eu un peu de mal, mais je faisais autre chose en même temps, donc l'explication est peut-être très bien ficelée, ça, bah, je leur dirai au prochain compte-rendu en ayant lu plus attentivement le truc. D'où le fait que je commentais que mettre le lien vidéo sur le tapuscrit, ça pouvait être une bonne idée. Enfin, pas forcément en dur, mais dire qu'il existe. Elles ont été faites après. Ceci explique cela. Oui, mais je sais pas quand a été fait le tapuscrit. Donc la version du tapuscrit, c'est 6 juin, et il a mis en ligne les vidéos le 16. Donc. Oui, mais s'il comptait les faire, il aurait pu préciser qu'elles allaient arriver, qu'elles existeront. Mais je pense que ça s'est pas fait dans le. Oui, peut-être que des gens lui ont remarqué ton truc est pas super clair, tu pourrais nous l'expliquer. Non, pas. C'est parce qu'il développe. Il développait pour le jouer avec le moteur Roll20. Bah, c'est moi qui ai déjà un jeu de tarot, donc c'est prêt. Bref, je digresse. Et je sais plus où j'en étais. Non, mais demain. Donc, de ce point de vue-là, donc, je pense que j'aurais pu le jouer autrement que par le pentacle, dans le sens où j'aurais pu le faire en plusieurs oppositions miroirs et détailler la progression des loups pour faire monter la pression. Le pentacle avait un bon côté parce que nous, en l'occurrence, on découvrait quasiment tout ce système. Donc nous, on était paumés, on regardait à moitié en mode c'est quoi ce bazar, alors que les gens qui connaissent, ils sentiraient la pression monter au fur et à mesure que le pentacle se dessine. Par contre, je me suis demandé c'était quoi l'habit qui portait le premier personnage, c'est quoi là. Ça n'a rien à voir. Le blio, bah, c'est l'habit traditionnel des paysans de l'époque. Donc, ça vous renseignait sur sa condition. Et ce que j'ai dit en concluant que, d'évidence, c'était un paysan, un laboratoresque comme vous, probablement un cerf, mais ce qui était étrange, c'est qu'il soit dans le bois. Il n'avait pas la mine ou l'accoutrement d'un bûcheron. Non, mais du coup, on s'est passé quoi, qui ou quoi, Madeleine? Oui, enfin vous avez quand même... Alors, sans vouloir me mouiller, je pense que c'est les machins qui nous ont suivis. Ils devaient être dedans. Oui, oui. Bah oui, et je pense que... D'accord. Bon bah, révélation à tous les niveaux. Hein. Ouais. Donc on a créé son nom, il a dit qu'il viendrait quand on crée un nouveau nom.